franceinter.com. Il n'y a pas de vérité absolue en matière d'espionnage. Il y règne en permanence le soupçon. Bref, ce n'est pas un monde en noir et blanc, mais en gris, où parfois tel est pris qui croyait prendre. Monsieur X nous a habitués depuis longtemps à énoncer ce genre de sentences, et il les a souvent illustrées avec talent, mais jamais peut-être comme dans l'affaire qu'il nous raconte aujourd'hui, elles n'ont paru plus évidentes. Une affaire d'espionnage typique de la période de la guerre froide, mais une affaire qui, très curieusement, n'a été révélée que très tardivement dans les années 2000, et pour des raisons qui ressortent essentiellement de la propagande, car les grands services de renseignement aussi doivent faire leur publicité, ne serait-ce que pour obtenir de l'autorité politique des crédits supplémentaires, ou bien encore pour faire oublier quelques erreurs passées. Alors, de quoi s'agit-il? Ou plutôt, de qui s'agit-il? Parce que c'est d'abord l'histoire d'un homme, d'un grand espion, un héros, qui, selon ses turiféraires états-uniens, a été présenté comme l'espion aux billions de dollars, aux milliards de dollars. Son nom, Adolf Tolkatchev. Son métier, technicien en informatique et aéronautique. Un espion qui aurait donc apporté aux Américains des informations qui valaient un milliard de dollars et le place ainsi au panthéon des taupes soviétiques ayant travaillé pour la CIA. Mais au fil du récit de M. X, on rencontrera aussi un personnage machiavélique et inquiétant, un certain Rem Krasilnikov, qui aurait été le véritable modèle du Carla de John le Carré, le tout-puissant chef des services secrets de l'Est. Dans quelques instants donc, retour vers le froid avec Monsieur X. Сядем на дорожку, выпить надо понемножку, ой-ой-ой. Мы едем на море, на море, на море, море, море. Мы едем на море, на море, на море, море, море. Мы едем на море, на море, на море, море, море. Мы едем на море, на море, на море, море, море. На море красота, простор, раздолье, ой-ой-ой. Говори, ай-яй-яй. Видишь, там у горизонта тихо поплыла акула, ой-ой-ой. Говори, ай-яй-яй. Мы едем на море, море, на море, море, на море, море, море. Мы едем на море, море, море, море, море, море, море. Мы едем на море, море, море, море, море, море, море. Мы едем на море, море, море. А на море поезжайте, ой-ой-ой. Говори, ай-яй-яй. А в крови кипит дорога, выпить надо понемногу, ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Мы едем на море, море, на море, море, на море, море, море. Мы едем на море, море, на море, море, на море, море, море. Мы едем на море, море, на море, море, море, море, море. Мы едем на море, море, море, море. We'll be right back. vagyok, úszni megyek, sós vízben a halak feled. Vízipók a vízfelszínen, mondom neki vodka trinken. Tudjuk, hogy a vodka jó, de vízipóknak nem való, mert vízipókok részegesen nem érnek a partra rendben. Morja van, Moritz, rász! Morja van, Moritz, tvá! Morja van, Moritz, tri! Морская стихия, замри! Adolphe Tolkatchev a été une taupe active dans la première moitié de la décennie 80. Et pourtant, son nom n'a vraiment été connu qu'au début des années 2000. Son histoire était donc très, très secrète. Ou alors, elle n'a été rendue publique que pour des raisons très précises. Enfin, on verra ça un petit peu plus tard. Parce que lorsqu'un service de renseignement décide d'ouvrir ses archives, ce n'est jamais par hasard. Surtout quand on affirme que ce Tolkatchev a été pour les Américains leur source soviétique la plus importante depuis Penkovsky. Penkovsky, c'est l'homme qui a révélé l'existence des fusées soviétiques à Cuba. Hein. Oui, oui, je vous ai raconté cela autrefois avec les réserves qui s'imposent, bien sûr, car l'affaire n'était pas aussi claire qu'elle y paraissait. Enfin, n'y revenons pas. Ouais, il faudra donc patienter pour savoir pourquoi le nom de Tolkatchev a surgi si tardivement. Alors, par où on commence ? Par quelques éléments biographiques sur cet inconnu devenu si célèbre dans le petit monde du renseignement. Tolkatchev est né au Kazakhstan à la fin des années 20, mais il a grandi à Moscou. Et après avoir fini ses études techniques, il a été embauché dans un institut de recherche sur l'aviation militaire où il a connu son épouse. C'est un petit homme discret, même effacé, vieilli avant l'âge, selon les rares occidentaux qui l'ont rencontré. Alors il va trahir. Oui, oui, avant de voir comment il va s'y prendre. Voyons quelles sont ses motivations. Ici, bien sûr, je me réfère aux informations qui ont été fournies par ses employeurs états-uniens. Ouais, pourquoi vous avez des doutes, là ? Bon, je vous en prie, ne l'allons pas trop vite. Adolphe Tolkatchev ressent très vite une véritable haine pour le régime soviétique. Et on sait pourquoi ? Bah, y a peut-être le fait qu'il était d'origine juive. Et vous savez bien que sous Staline, mais ça a continué après, les juifs ont été souvent discriminés en URSS. Mais il y a aussi le fait que la famille de sa femme a été persécuté à l'époque des Grandes Purges. C'est-à-dire avant la Seconde Guerre mondiale, hein ? Oui, sa belle-mère a été exécutée et son beau-père a été longtemps interné. Et il est mort, peu après sa libération, dans les années 50. En tout cas, pour toutes ces raisons, Tolkatchev se sent très proche des dissidents. Mais est-ce qu'il a des activités politiques ? Oh, ça lui est impossible. Tolkatchev est devenu un membre de la nomenclatura et il habite un bel appartement dans l'un de ces immeubles à l'architecture stalinienne qui ont poussé dans le centre de Moscou. Oui, c'est assez caractéristique d'ailleurs. Mmh. Donc il ne manifeste pas son opposition. À sa façon, il va agir contre le régime. Alors, en trahissant. C'est ça, parce que grâce à son métier, il a accès à de nombreux secrets technologiques qui pourraient bien intéresser les Occidentaux. Mais j'imagine qu'il doit faire l'objet d'une surveillance, non ? Ah, c'est certain, comme tous les Soviétiques qui travaillent dans des secteurs sensibles. Mmh. Donc il doit être prudent. Alors, comment procède-t-il ? D'une manière un peu étrange. De mon point de vue, en tout cas. Un jour, du début de l'année 1977, il se rend dans une station-service réservée aux diplomates étrangers. Et, avisant une voiture de l'ambassade américaine, il passe un message écrit au conducteur, puis il disparaît. Et ce message-là ? Tolkatchev, sans donner son nom, bien sûr, se présente très brièvement. Il fait des offres de service et demande un rendez-vous. Mais comment pourrait-on lui répondre, alors ? C'est lui qui reprendra contact de la même façon. Ouais. Ce qui est assez extraordinaire dans cette affaire, mais Tolkatchev ne peut pas le savoir. C'est que l'homme qui était au volant n'était autre que le chef de l'antenne de la CIA à Moscou. Ça, c'est en effet assez étonnant. Ah, oui. Un vrai coup de chance, oui. Mais aussi un coup d'épée dans l'eau. Non, pourquoi alors? Parce que l'homme de la CIA se méfie. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Ce sont tous les agents américains en poste dans les pays du pacte de Varsovie qui, à la suite d'une grave et récente mésaventure, ont reçu l'ordre d'être encore plus prudents que d'habitude. Cette mésaventure-là? L'affaire Ogorodnik. Ah oui, je connais. Rappelez-vous, oui. Puisque je vous en ai parlé ici même. Ce jeune diplomate a feint d'accepter de travailler pour la CIA, mais il se serait agi en réalité d'une manœuvre du KGB pour tromper les Américains. Donc, méfiance. Oui, d'autant plus que l'ambassade états-unienne à Moscou reçoit pas mal de demandes de citoyens soviétiques qui offrent de travailler pour l'Ouest. Certaines sont complètement farfelues. D'autres émanent d'individus qui veulent qu'on les aide à passer de l'autre côté du rideau de fer. Et puis, y a les provocateurs. Ouais, les faux transfuges, c'est ça. Alors, les Américains échaudés se montrent d'une extrême prudence. Et il n'est pas répondu à l'offre de service de Tolkatchev. C'est ça. Mais l'homme n'est pas du genre à renoncer. Et il fait passer aux Américains de nouveaux messages. Réaction, alors. Le responsable de la CIA, qui a d'ailleurs changé, est de plus en plus intrigué. D'autant que le mystérieux scripteur donne des indices étonnants. Mais quoi, alors? La moitié de son numéro de téléphone, par exemple. Et il ajoute, et là encore c'est surprenant, qu'il se tiendra à tel jour et telle heure à un arrêt de bus, avec un objet à la main, où seront inscrits les derniers chiffres de son numéro de téléphone. Ouais, c'est curieux, mais assez ingénieux. Mais à la CIA, on n'y tient plus. La peur de passer à côté d'une importante recrue. C'est évident. Donc un homme est envoyé à cet arrêt de bus. Tolkatchev est bien là. Et peu après, l'adjoint du chef de l'antenne de la CIA téléphone d'une cabine au numéro qui a été reconstitué, non sans avoir auparavant reçu le feu vert de Washington. Oui, tout ça, feu vert, parce qu'on se méfie quand même. Et le téléphone, c'est quand même risqué, non? Oui, mais comment faire autrement? Et la suite, alors, le contact des prix? Non, parce que c'est une femme qui a répondu. La femme de Tolkatchev? Certainement. Ouais. Donc l'agent de la CIA, aussitôt raccroché, sans laisser le message. Ouais, toujours la prudence. Hein. Bien entendu. Mais Tolkatchev a décidément de la suite dans les idées. Et afin d'indiquer qu'il n'avait pas renoncé à établir un contact, il a fait passer un dernier message par le majordome de l'ambassadeur américain croisé opportunément sur un marché. Un marché. Conséquence. À la CIA, on commence à se dire qu'on a affaire à un type sérieux, qui n'hésite pas à prendre de sérieux risques. Et il faut donc à nouveau lui téléphoner. Et cette fois, ça marche? Oui. C'est Tolkatchev qui répond en personne. Bon, je vous passe les détails, mais après l'avoir incité à la plus grande prudence, la CIA convient avec Tolkatchev d'un protocole lui permettant de communiquer avec son représentant. Précisez quand même un peu la nature de ce protocole-là. Eh bien, l'agence met à sa disposition toute une série de techniques classiques. Encre invisible, boîte aux lettres mortes, appareil photo miniature et même un modèle dernier cri d'émetteur-récepteur. Ça signifie donc que dorénavant, les gens de la CIA sont certains d'avoir affaire à une vraie taupe. Pas encore. Mais ils vont rapidement en avoir la conviction quand ils vont prendre connaissance des premiers rouleaux de microfilms que leur fait parvenir Tolkatchev. Quelles informations donc contiennent ces microfilms? Toute une série de renseignements sur les derniers modèles d'avions de chasse soviétiques. En particulier, un descriptif précis du poste de radar de tir qui équipe les MiG. Alors à partir de là, la confiance règne. Ah, c'est exact. Cette première moisson est d'importance et ravit les spécialistes de l'industrie aéronautique militaire aux États-Unis. Ce n'est qu'un début, j'imagine. Bien sûr. Et les livraisons de Tolkatchev vont devenir de plus en plus abondantes. À l'anglais, siège de la CIA, on n'a jamais vu ça. Tolkatchev est la plus grosse taupe de la décennie, un vrai rêve d'espion. Rendez-vous avec X. Milton Burden, légendaire agent de la CIA, et le journaliste James Reason ont relaté dans leur ouvrage paru en français sous le titre « CIA, KGB, le dernier combat » l'histoire récente de l'agence américaine. Pour la première fois, le personnage de Tolkatchev est évoqué. la CIA leur a enfin ouvert ses archives extraits. Sa productivité étonnait le quartier général de la CIA et fit de lui une superstar du renseignement. À l'anglais, on disait de Tolkatchev qu'il payait le loyer, qu'il justifiait presque à lui tout seul le budget de l'agence. Les renseignements qu'il fournissait permirent à l'US Air Force d'être informé des caractéristiques de la nouvelle génération d'avions de chasse que préparaient les Soviétiques. Et ainsi, les nouveaux chasseurs américains furent conçus en fonction de ces données avant même que leurs futurs adversaires ne commencent à voler. Le gros livre de Berden et Risen a été édité en France par Albin Michel en 2003. Selon les déclarations ultérieures des dirigeants de la CIA et des responsables militaires de l'époque, Tolkatchev leur aurait fait économiser des milliards de dollars et 5 bonnes années de recherche et de développement. C'est énorme, mais est-ce qu'il n'exagère pas un peu? Ça, si j'ose dire, c'est de bonne guerre. Oui, parce qu'on ne peut pas oublier qu'à la même époque, Andropov, le patron du KGB, très conscient de la supériorité technologique de l'Occident, a justement ordonné à tous ses espions infiltrés à l'Ouest de tout faire pour permettre à l'URSS de rattraper son retard. Et de faire de prodigieuses économies en recherche, oui. C'est ce que nous a appris la taupe Farewell, cornaquée par les services français. Alors il y avait donc un double mouvement, là, et aussi des domaines où l'URSS n'était pas aussi en retard que cela. Enfin, c'est ce qui ressort du dossier Tolkatchev, tel qu'il sera divulgué bien des années plus tard par la CIA. Mais je reviendrai sur ce point capital. Est-ce qu'on a une idée de la façon dont Tolkatchev procédait pour fournir autant de documents? D'après le soviétique, ça n'était pas très compliqué. Quand il était au bureau, il s'arrangeait toujours pour disposer sur sa table de travail des dizaines de livres, un vrai mur de papier derrière lequel il pouvait photographier les plans et fiches techniques qui intéressaient les Américains. Comme les écoliers qui dorment, quoi. Ouais. Et sans être vu de ses collègues. C'est en tout cas ce qu'il a expliqué à son officier traitant. Et quand ça n'était pas possible, il emportait tout simplement les documents chez lui à l'heure du déjeuner et les photographiait à son domicile avant de revenir à l'institut. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de véritable contrôle à la sortie et à l'entrée des bâtiments de cet institut? Et que la taupe avait l'autorisation de s'absenter longuement de son bureau. Parce que pour aller à son domicile et en revenir, il lui fallait au moins 2 bonnes heures. En tout cas, Tolkatchev ne s'est jamais fait pincer. Autre chose, en raison de son rang, la taupe avait aussi accès à la bibliothèque et pouvait y emprunter de précieux documents classifiés. Et comment se passait la réception de ces documents? C'était très variable. Je vous ai parlé des boîtes aux lettres mortes et autres procédés classiques, mais ce que Tolkatchev préférait, c'était les contacts directs. Par exemple, dans la petite voiture qu'il avait pu acheter grâce à l'argent fourni par ses employeurs américains. Ouais, parce qu'il se faisait rétribuer. Oui, même grassement. Enfin, j'y reviens tout de suite. Auparavant, finissons-en avec le processus des contacts. Son officier traitant le rejoignait donc dans sa voiture et Tolkatchev lui remettait ses rouleaux de film. C'est très simple, mais très réussi. Vous avez parfaitement raison. Car dans cette société très policière, ces rendez-vous pouvaient attirer l'attention d'un simple milicien, surtout en hiver où les vitres de l'auto se couvraient rapidement de buée et où la présence de 2 hommes dans une voiture à l'arrêt pouvait intriguer. Tolkatchev était-il conscient des risques qu'il prenait? Très certainement. Et il avait peur. Tellement peur de tomber entre les mains du KGB qu'il a demandé, ou plutôt exigé, qu'il lui soit remis une pilule de cyanure. Afin de se suicider s'il était pris? Oui, mais il ne faut pas oublier que cette taupe que nous avons évoquée un peu plus tôt... Ogorodnik, là. C'est ça. Eh bien, c'est en avalant une pilule cachée dans son stylo qu'Ogorodnik aurait définitivement échappé aux hommes du KGB qui l'interrogeaient. Et Tolkatchev, on lui remet sa pilule de cyanure? En effet. Mais en même temps, on l'incite à la plus grande prudence. Son officier traitant lui conseille, par exemple, d'espacer les rendez-vous. 3 ou 4 par an, pas plus. En même temps, il faut bien le dire, on s'était certainement rendu compte à la CIA que le Tolkatchev avait déjà fourni l'essentiel de toutes les informations auxquelles il pouvait avoir accès. Il devenait donc progressivement moins intéressant. C'est probable. Alors, avant de voir la suite... Et la fin. Parlez-moi de l'argent, alors, puisque vous avez évoqué cette question-là. Tolkatchev était donc gourmand. Très gourmand, oui. Et s'il rapportait beaucoup à la CIA, il lui coûtait aussi assez cher. Il a très vite exigé de ses employeurs états-uniens qu'ils lui versent une mensualité régulière de 100 000 roubles. Alors, je ne sais pas exactement combien ça faisait à l'époque, mais c'était une grosse somme. Et la CIA le payait donc en roubles? Des devises achetées sur le marché noir en Allemagne de l'Est, généralement. Mais il a aussi demandé qu'on lui ouvre un compte à l'étranger. où la CIA déposerait des dollars. Par conséquent, Tolkachev n'était peut-être pas l'idéaliste qu'il prétendait être. Sans doute. Mais après tout, c'est lui qui prenait des risques, non? Et ça méritait bien une confortable rétribution. En outre, d'après certaines sources de la CIA, il aurait affirmé vouloir redistribuer une partie de cet argent aux dissidents. En tout cas, lui, en URSS, que pouvait-il bien faire de cet argent sans attirer l'attention par un changement de son train de vie, voilà. C'est effectivement un point délicat. Car là encore, Tolkachev s'est montré très imprudent. Il y a donc cette voiture qu'il a achetée. Oui, à une époque où posséder une voiture était un véritable privilège pour un citoyen soviétique. Mais il s'est aussi rendu propriétaire d'une datcha. Cependant, comme il n'était quand même pas fou, il a aussi demandé à être payé en nature. C'est-à-dire ça, en nature? Des disques occidentaux pour son fils, des bijoux et pour lui des livres qu'on ne trouvait pas à l'Est. Ouais, des livres interdits en URSS. C'est ça. Et parmi ces livres qu'il a demandé se trouvait Mein Kampf d'Adolf Hitler. Ça, c'est un curieux choix. Est-ce que c'est parce qu'il se prénommait Adolf lui aussi? Non, je ne pense pas. Et si vous voulez mon avis, c'est sans doute une des clés qui permettent de décrypter cette affaire. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Ouais, ça j'en ai l'habitude. Alors poursuivez. Au cours de l'année 1983, Tolkachev a cru qu'il était découvert et que le KGB était sur ses traces. Pourquoi? Les autorités soviétiques auraient eu vent de fuite à l'intérieur de l'institut où il travaillait. Il a été interrogé, non? Oui, mais seulement par l'un de ses supérieurs. Et ça s'est terminé comme ça. Fausse alerte, par conséquent. Toutefois, c'est ce qu'il a déclaré à son officier traitant, il était prêt à avaler sa pilule de cyanure. Et lorsqu'il est revenu chez lui, il a transporté un certain nombre de photos, documents et même des liasses de roubles dans sa datcha. Et il a tout brûlé. Et c'est qu'il a eu très peur. Et obéissant aux consignes de prudence de la CIA, il a ensuite considérablement ralenti le nombre de ses contacts avec l'homme de l'agence américaine. En 1984, par exemple, il n'aura que 2 rendez-vous avec son officier traitant. Mais comme vous m'avez aussi dit qu'il n'avait plus grand-chose à transmettre... C'est vrai. Cependant, il apparaît aux Américains qu'on approche de la fin. Et qu'est-ce qui leur donne cette impression-là? En janvier 1985, un rendez-vous est prévu. Et il aura effectivement lieu. Pourtant, Tolkachev n'a pas respecté le protocole prévu avant chaque rencontre. Mais c'était quoi alors? Depuis l'ambassade américaine, on pouvait voir l'immeuble où habitait Tolkachev. Et quand ce dernier était prêt à opérer une livraison, il laissait une petite fenêtre ouverte à l'arrière du bâtiment. Toujours la même. Mais avant ce rendez-vous de janvier, c'est une fenêtre voisine qui a été ouverte. Oui, comme s'il s'était trompé. Ou que quelqu'un d'autre avait ouvert cette fenêtre à la place de Tolkachev. Et pourtant, avez-vous dit, le soviétique est au rendez-vous. Oui, et comme d'habitude, il remet un rouleau de pellicule à son contact américain. Cependant, quand on développe les photographies, elles se révèlent floues. Quelle explication alors? Aucune. Mais au rendez-vous suivant, prévu en avril, Tolkachev ne vient pas. Réaction à la CIA alors? Enfin, de ne pas trop s'inquiéter. Après tout, ça n'est pas la première fois qu'une taupe rate un rendez-vous. Et on compte sur la prochaine rencontre, prévue à la mi-juin, pour avoir une explication. Et en effet, au jour prévu, la petite fenêtre est ouverte. Ouais, feu vert pour le contact. Selon la procédure habituelle, oui. En début de soirée, l'agent de la CIA, un certain Stombo, se dirige donc vers le lieu du rendez-vous et en toute confiance. Quand il arrive dans la petite rue où doit avoir lieu la rencontre, la voiture de Tolkachev se trouve bien garée le long du trottoir. Mais c'est un piège. 5 costauds du KGB lui tombent dessus, l'immobilisent et le précipitent à l'arrière d'un véhicule. Et Tolkachev? Il n'est pas là. Et pourtant, presque au même moment, à quelques mètres de l'endroit où Stombo a été interpellé et sous les objectifs de quelques photographes de presse, un homme est lui aussi capturé par des gros bras. Et coïncidence étrange, il ressemble de façon très curieuse à Tolkachev. We'll be right back. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Je reviens vers l'ouvrage de Burden et Risen. D'après eux, au moment de cette double arrestation musclée, Tolkatchev dormait en prison depuis plusieurs mois, raison pour laquelle le rendez-vous d'avril 1985 avait échoué. Et il commente ainsi. Tolkatchev se trouvait à présent à la prison de Lefortovo, où il était contraint de coopérer avec le KGB dans l'attente de l'inévitable procès, condamnation, exécution. Le KGB avait patiemment reconstitué les techniques de communication de Tolkatchev. Comment il signalait son désir de rencontrer son officier traitant ou comment il signalerait, le cas échéant, qu'il avait des ennuis. Puis Krasilnikov, chef du deuxième directorat et ses chiens de garde du service de contre-espionnage du KGB, avaient prudemment pris contact avec la CIA afin de provoquer la rencontre de la nuit du 13 au 14 juin. En apprenant que Stolbov approchait du lieu du rendez-vous, Krasilnikov eut la certitude que la CIA ignorait que son meilleur agent était en prison. La suite, c'est donc l'enlèvement de ce Stolbov et la capture d'un faux Tolkatchev, une séquence sur laquelle revient Monsieur X. C'était donc un piège. Évidemment. Mmh. Et une victoire pour le KGB, car l'agent de la CIA, Stolbov, n'est pas venu au rendez-vous les mains vides. On trouve sur lui 600 000 roubles et des livres et autres documents qu'il devait remettre à la taupe Tolkatchev. Conséquence pour lui, Stolbov, là. Comme il bénéficie d'une couverture diplomatique, les autorités soviétiques se contentent de l'expulser quelques jours après son interpellation. Ouais. Mais alors l'autre capture, là, celle de cet homme qui ressemblait à Tolkatchev. Un véritable sosie, oui. Eh bien, ça faisait partie du spectacle, si j'ose dire. On arrêtait en même temps la taupe et son officier traitant. Et tout ça devant des photographes de presse. Belle opération de propagande pour le KGB, non ? Oui, on peut le penser. Mais qu'est devenu le vrai Tolkatchev, alors ? En octobre 1986, une dépêche de l'agence TASS a révélé que le traître, agent de renseignement au service des États-Unis, avait été condamné à mort et immédiatement exécuté. En même temps, on a diffusé des photos et une bande vidéo de sa capture. Ouais, en fait, la capture de son sosie. Hein. Vraisemblablement. Ouais. Et le KGB s'est bien gardé de donner des détails précis sur le travail de la taupe. Et pendant des années, personne ne reparlera plus jamais de Tolkatchev. Ouais. Pour les Américains qui ont dû forcément essayer de chercher à comprendre, là, pourquoi Tolkatchev est-il tombé ? Ils ont eu aussitôt la conviction qu'il avait été dénoncé. Et les candidats à la trahison ne manquaient pas. Il y avait d'abord un certain Lee Howard, un transfuge de la CIA, qui avait fui en URSS. Et surtout, l'une des taupes américaines les plus redoutables, Aldrich Ames, chef du contre-espionnage de la CIA, qui ne sera démasqué qu'en 1994. Oui, Ames qui a dénoncé pratiquement tous les agents soviétiques travaillant à Moscou pour la CIA. Et 1985 a été une année horrible pour les services de renseignement états-uniens. Mais si vous le voulez, on en parlera plus longuement dans un prochain entretien. Et à cette occasion, j'évoquerai plus précisément la personnalité du Deus ex machina de l'affaire Tolkatchev. Un certain Rem Krasilnikov, le responsable du contre-espionnage du KGB. Ouais, un maître espion. Assurément. Donc, pour reprendre ce que je disais, on ne parle plus de Tolkatchev. Et puis soudain, dans la première moitié des années 2000, la CIA ouvre ses archives à l'un de ses anciens agents, Milton Burden. Ouais, c'est l'auteur de cette histoire à propos de la compétition récente entre la CIA et le KGB, oui, c'est ça oui, hein. Dans son volumineux bouquin rédigé avec un grand journaliste américain, Burden parle abondamment de ce Tolkatchev dont on ignorait pratiquement tout. Et surtout, il révèle qu'il a joué un rôle considérable, un rôle qu'on ne soupçonnait pas. Ouais, c'est l'espion aux billions de dollars, comme on l'a surnommé à la CIA. Hein. Et sans doute trouvez-vous que je suis exagérément soupçonneux et même trop souvent sceptique, mais j'ai du mal à croire à toute cette histoire. Ouais, c'est à mon tour de ne plus comprendre, là, car en me racontant longuement l'histoire de Tolkatchev, vous m'avez donné l'impression de la trouver parfaitement crédible. C'est vrai, et pourtant, je suis persuadé qu'il s'agit d'une vaste manipulation. Alors, soyez plus précis, ou au moins plus clair. Volontiers. Eh bien, je vous le dis tout net, selon moi, Tolkatchev n'a jamais été une taupe. Eh ben. Ou plutôt, il a été une fausse taupe, complètement instrumentalisée par le KGB. Quoi, pour désinformer les Américains ? Absolument. Mais il a quand même donné de vrais renseignements à ses contacts de la CIA. Oui, quelques pépites dissimulées au milieu d'un fatras d'informations technologiques vraisemblables, mais inutiles. Ouais. Mais c'est le jeu. Quand on veut appâter l'adversaire, il faut bien lui donner de quoi se nourrir si l'on veut continuer à l'intoxiquer. Et puis réfléchissez. Vous avez vous-même évoqué le triste constat d'Andropov sur l'état de l'URSS à l'aube des années 80. Ouais. Pensez-vous vraiment que les savants et techniciens soviétiques possédaient une telle avance en aéronautique que la divulgation de leurs secrets aurait pu faire gagner un temps considérable aux spécialistes américains? Un temps et donc de l'argent? Non, même si je ne méconnais pas que certains modèles d'avions soviétiques présentaient un réel savoir-faire technique. Par exemple, leur MiG-29, qui était doté de systèmes de détection très innovants. Mais au Proche-Orient, quand des chasseurs de fabrication soviétiques ont affronté des appareils américains, ça ne s'est jamais traduit par une victoire des premiers sur les seconds. D'accord, mais enfin, ce n'étaient peut-être pas les derniers modèles soviétiques qui étaient engagés. Et puis, les infrastructures au sol, hein, pas très performantes. Si vous voulez. J'ajoute, et ça me paraît très important dans le contexte de la compétition technologique entre les deux super-grands de l'époque, que grâce à Tolkatchev, les soviétiques ont très certainement pu faire croire, au moins pendant un temps, qu'ils étaient beaucoup plus avancés que ne le pensaient les Américains. Du bluff, quoi. Le bluff, oui. Et après tout, Reagan n'a-t-il pas agi autrement avec son fameux projet de guerre des étoiles, qui a eu surtout pour objectif d'entraîner l'URSS dans de coûteuses et ruineuses recherches. Ouais, je veux bien, mais vous ne fondez pas votre conviction là sur de simples impressions? Naturellement. Alors, ce qui m'a d'abord frappé, ce sont les nombreuses invraisemblances qui transparaissent dans cette histoire. Des exemples, alors? Ah ben, il n'en manque pas. Toutefois, ici, je dois vous faire un aveu. J'ai bien sûr exercé mon propre esprit critique en compulsant ce dossier, mais je me suis aussi inspiré d'un mémoire paru dans une revue spécialisée sous la signature d'un certain Benjamin Fisher. Qui est-ce, ça? Cet ancien et réputé agent de la CIA, considéré comme l'un des authentiques historiens de l'agence, a été victime d'une sorte de chasse aux sorcières en 1994. Et il a été viré. Attendez, 1994, c'est l'année où Ames a été démasqué. Ah, il y a peut-être un rapport, mais je crois plutôt que sa mise à l'écart est liée à l'affaire Tolkatchev. En gros, il aurait vu plus clair que les autres, et bien avant eux. Alors, ces exemples d'invraisemblance? Il y a d'abord les innombrables tentatives de Tolkatchev pour hameçonner un représentant de l'antenne de la CIA à Moscou. Pensez-vous qu'un fonctionnaire soviétique travaillant dans un secteur sensible et donc forcément soumis à la surveillance du KGB, aurait pris autant de risques? Mais d'une manière générale, c'est son imprudence qui a éveillé mon incrédulité. Il refuse les procédures de contact habituelles. Il exige des rencontres physiques avec son officier traitant, ce qui est toujours excessivement dangereux. Et cet argent qu'il réclame, ces sommes importantes, cet argent qu'il dépense sans compter, au risque d'éveiller l'attention des autorités soviétiques. Et ça vous paraît anormal? Absolument. Un vrai transfuge aurait pris plus de précautions. Tolkatchev donne l'impression de mener le jeu et d'imposer constamment sa volonté aux hommes de la CIA. Lui qui n'a aucune expérience en matière d'espionnage. Il dicte ses conditions et on s'incline. Oh, écoutez, moi ça ne me paraît pas si extraordinaire que cela. Après tout, si c'était le prix à payer pour obtenir ces renseignements, il fallait bien faire des concessions. Bon, c'est un argument qui ne me convainc pas. Quand on exerce une activité aussi dangereuse, on ne prend pas autant de risques. Surtout quand on vit dans une société aussi surveillée, qui grouille d'indicateurs et où tout le monde espionne tout le monde. Autre question alors. Si le comportement de Tolkatchev était aussi aberrant que cela, comment les gens de la CIA n'ont-ils pas compris qu'il se faisait manipuler? Là, effectivement, vous tapez juste. Mais je crois avoir la réponse. Les Américains ont mis au compte de la sincérité de leur taupe toutes ces maladresses et ces imprudences. En se disant qu'un homme vraiment manipulé par le KGB n'aurait pas accumulé autant de négligence. J'en suis presque sûr. Donc ils ont cru à l'authenticité de la trahison de Tolkatchev. En effet. Mais à l'époque, ils ne lui ont certainement pas attribué la valeur qu'on lui a reconnue plus tard. Oui, en faisant un super espion. Alors pourquoi? Ce n'est pas difficile à comprendre. Le dossier Tolkatchev est confié à Burden au début des années 2000. En tout cas, après le 11 septembre 2001. C'est-à-dire à un moment où l'agence américaine a un besoin urgent de redorer son blason. Oui, parce qu'elle a échoué à prévenir les attentats du 11 septembre. Exactement. Hein. Et quelques petits malins déterrent opportunément l'affaire Tolkatchev et mettent en avant les succès extraordinaires de cette super taupe. En insistant en particulier sur les centaines de millions de dollars qu'elle a fait ainsi économiser au budget de l'État. Et ça, croyez-moi, ça fait toujours plaisir aux contribuables américains. Oui, c'est sûr. Et vous alors, pourquoi avez-vous cru voir dans cette histoire une manipulation soviétique ? Voyez-vous, moi ce qui m'a mis d'abord la puce à l'oreille, c'est la curieuse demande effectuée par Tolkatchev auprès de ses employeurs américains. Oui, je vois là, le livre d'Adolf Hitler. Oui, c'était parfaitement absurde. Sauf si on se plaçait dans l'optique soviétique qui voulait avilir un homme accusé de haute trahison. Une taupe fasciste. Exactement. Pour la propagande, ce livre de Hitler, c'était un argument de poids. Et pourtant, à ce qu'il me semble, les soviétiques n'ont pas vraiment exploité cet avantage. C'est vrai. La médiatisation de l'affaire Tolkatchev, même si elle rompait avec la tradition, n'a pas été poussée à fond. Et pour plusieurs raisons. La première, la plus importante, c'est que les choses étaient en train de changer. En URSS. Oui, l'arrivée de Gorbatchev. Oui, et la recherche d'une politique de détente avec l'Ouest. Ensuite, le KGB avait d'autres casseroles au feu. C'est-à-dire ? D'autres taupes. Ah oui, et parmi elles, donc, on en a parlé, Aldrich Ames, démasqué en 1994. Et aussi Robert Hansen, l'agent du FBI, qui ne sera découvert qu'au début des années 2000. Et même, c'est l'un des sujets les plus mystérieux de toute cette affaire, une taupe encore plus considérable qui n'a toujours pas était identifié. Mais si vous le voulez bien, nous en parlerons dans notre prochain entretien. En tout cas, pour toutes ces raisons, le KGB a fait preuve de prudence. Et quand la CIA a fait tout ce cinéma autour de Tolkatchev, les services russes, dignes continuateurs du KGB, ont choisi à dessein la discrétion. Alors au fait, Tolkatchev, si c'était sa véritable identité, qu'est-il devenu ? Officiellement, je vous l'ai dit, il a été exécuté. Mais si ce n'était pas un véritable traître, on a sans doute maquillé son exécution. Et on l'a invité à aller vivre ailleurs, sous une autre identité. Mais ça n'est toutefois qu'une supposition. Quelques livres pour terminer. L'ouvrage de Burden et Risen, déjà cité chez Albin Michel. Une très bonne histoire des services secrets russes, des tsars à Poutine d'Andrei Kosovoy, récemment paru chez Talendier. Et aussi « Marié au KGB », paru aux éditions Jinko, le récit autobiographique passionnant de la dissidente moldavo-russe, réfugiée en France depuis 1981, Renata Lesnik, devenue depuis une spécialiste du système soviétique. Enfin, à signaler la nouvelle formule de Géo proposée depuis peu, dont un spécial histoire avec un bon premier numéro, consacré à la guerre froide. Sur franceinter.com, vous pourrez, comme d'habitude, réécouter cette émission et même l'écouter en balado-diffusion. À samedi prochain, Rebecca de Nantes a préparé cette émission. Merci aussi à Michel Billou qui l'a réalisée et à Monsieur Joum qui a ajouté quelques notes de musique. Tout de suite après le flash, un peu de bonheur, c'est au de mon amour de Denis Chessou.